Petit, quel est ton plan B? Quel est ton plan B? Quel est ton plan B? D'ici, je te vois tomber, je te vois tomber, je te vois tomber. Dans les pièges du quartier, pour de la monnaie, ok. Mais pendant que le monde tourne, toi, tu tournes, tournes dans la cité sans savoir où aller. À l'heure des feux de l'amour, commence ta journée. Un gros pétard dès le petit déjeuner. Sur un banc, tu vois les grands. Ramasser les clients, ramasser l'argent. Sable de luxe, ça reste pas pucé. Tu rêves de te les acheter. Donc tu fais le chouffe, chouffe, puis tu coupes, coupes, coupes. Dis-le, dis-le comme un acharné. Tout ce blé dans ce champ de béton, t'as fait cultiver de l'ambition. Plus tu grossis, plus la jalousie t'oblige à t'armer en munitions. Bouteille de Jack, paranoïaque, tu remplis sac après sac. Mais un coup de fil anonyme, tu te retrouves à marquer ton nom sur le mur d'une prison. Dans ta cellule, tu te sens seul, tu te sens oublié. Tu te sens trahi, puis à ta sortie, tu ne penses qu'à aller fumer. Gilet pare-balles, casquette intégrale, ça finit mal. Combien de mes amis d'enfance ont connu ce parcours et ont fini enfermés ou enterrés? Dis-moi. Petit, quel est ton plan B? Quel est ton plan B? Quel est ton plan B? D'ici, je te vois tomber, je te vois tomber, je te vois tomber. Dans les pièges du quartier, pour de la monnaie, ok. Mais pendant que le monde tourne, toi, tu tournes, tournes dans la cité sans savoir où aller. Petit, quel est ton plan B? Quel est ton plan B? Quel est ton plan B? D'ici, je te vois tomber, je te vois tomber, je te vois tomber. Dans les pièges du quartier, pour de la monnaie, ok. Mais pendant que le monde tourne, toi, tu tournes, tournes dans la cité sans savoir où aller. Moi, j'ai voulu un piano B, quale piano B? Non, c'è un piano B. Lei mi manda la tua B, lo vuole fatto, poi mi dice piano B. Metti i punti sulle I. H dopo la G, non ascolto chi mi dice di tornare a casa anche se sono nato qui. Money, money, money, money, money, l'unico souvenir. Quando torni da un brutto viaggio, da un brutto trip. El gorba tum tum tum tum tum tum tum, c'est la guerre. I need you mon bled, I miss you mon frère. Hamdoulah le bes, كل يوم ندعي ربي معايا نسكي بموجات. Les barquettes, la souffrance, tu m'as tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Barcha Hajet. Petit, quel est ton plan B? Quel est ton plan B? Quel est ton plan B? D'ici, je te vois tomber, je te vois tomber, je te vois tomber. Dans les pièges du quartier, pour de la monnaie, ok. Mais pendant que le monde tourne, toi, tu tournes, tournes dans la cité sans savoir où aller. Petit, quel est ton plan B? Quel est ton plan B? Quel est ton plan B? D'ici, je te vois tomber, je te vois tomber, je te vois tomber. Dans les pièges du quartier, pour de la monnaie, ok. Mais pendant que le monde tourne, toi, tu tournes, tournes dans la cité sans savoir où aller. Massilia, Italia, c'est la même, même, même. Tunisia, Comoria, c'est la même, même, même. La douleur de la favela, c'est la même, même, même. Tout pour la familia. Massilia, Italia, c'est la même, même, même. Tunisia, Comoria, c'est la même, même, même. La douleur de la favela, c'est la même, même, même. Tout pour la familia. Soprano Gali, Italia, Massilia. Veux-tu, quel est ton plan B? Dis-moi, quel est ton plan B?